Et c'est reparti pour le tout dernier match de la journée, mais pas encore du week-end, parce qu'on aura encore, quatre autres. Oh, j'arrive plus à parler déjà. On a quatre autres matchs à commenter demain. Toujours avec Seb, ça va Seb? Non. Tant pis pour toi, tu vas quand même rester là et commenter ça avec moi. Oui, ça va très bien. Le dernier match, ça va être celui qui va opposer ce soir donc les Valiant Beaches d'Anglette, hôte de cet événement ce week-end contre Pibrac. C'est la maison. C'est la maison. C'est les copains. C'est les copains, c'est les copines. C'est les copines. Et donc voilà, on va donc retrouver les Harpy Brackeuses qui sont deuxième du classement. Évidemment, tout ça, ça va être avant le ce week-end. Évidemment, les mises à jour du week-end n'ont pas encore été faites. Mais avant ce week-end, les Harpy Brackeuses étaient second du classement contre les Valiant Beaches, quatrième. Voilà, les Harpy Brackeuses qui n'avaient aucun match de perdu. Les Valiant Beaches qui n'avaient perdu 2 sur 5, ont gagné 3 sur 5, évidemment. Un match qui s'annonce, je sais pas trop. Les Valiants sont un petit peu surprenantes. Quand elles peuvent, elles n'y arrivent pas. Quand on se dit bah c'est mort, elles y arrivent. Moi j'allais dire inconstante. Inconstante, c'est. Inconstante, c'est pas faux. C'est vraiment pas faux. On va pas tarder à commencer ce match. Les Valiants sont en blanche et Pibrac sont en noir avec un petit liseré vert. Alors d'après les pronostics de mon iPad, à chaque fois que les Valiants ont joué en blanc, elles ont gagné. Ah, ça c'est la bonne statistique, ça. Ouais, ouais. Mais j'ai pas d'iPad. Hein. Donc je sais pas d'où ça sort. C'est parti pour ce match. A priori, si on suit les statistiques, eh ben c'est Pibrac qui devrait l'emporter. Mais attention, on a vu dans le match précédent que les statistiques, eh ben, elles ont pas toujours raison. Ouais, c'est ça. Donc on va voir ce que ça a donné. On va voir si le changement de couleur de Pibrac aussi va faire la différence. Ils ont joué en vert tout à l'heure, elles jouent en noir maintenant. Voilà, deuxième match de la journée pour Pibrac, donc de la fatigue aussi. Cela dit, ça n'empêche pas Lucifer de prendre très rapidement le lead. Aussi sec. Face à double pot du côté double des Valiant Beaches, qui n'est toujours pas passé. Et Lucifer, ça passe pour Lucifer, 4 points. Ouais, ça bataille sec, là, ça passe pas pour double pot. Si, ça passe ça enfin. Ça passe enfin. Elle a quand même un tour et demi de retard, plus ou moins. Il va falloir qu'elle fasse disque. Lucifer est quand même particulièrement dangereuse. Lucifer va essayer de passer et coller. Et voilà. Elle colle, voilà. Ouais, elle colle. Elle colle. Est-ce que les Valiants ont eu le temps de. Non. Elles n'ont pas eu le temps de mettre deux points. 7-0 pour les Harpy Brackeuses. Voilà, ça commence bien pour elles. Attention, on l'a vu, les premières minutes sont importantes pour se mettre dans le jeu. Mais c'est pas du tout ça qui va déterminer qui va gagner ou pas. C'est clair. Voilà, pour avoir, je pense qu'à à la moitié de la première mi-temps, là, on aura un bon aperçu de ce que pourra donner ce match. Donc là, c'est reparti pour ce deuxième match du jam et ça passe pour la jameuse des Valiant, Sasha and Furious, qui est de retour sur le track. On l'avait pas vu depuis longtemps. Elle avait fait. Un petit arrêt. Il y a Sasha and Furious, ouais, le grand retour de Sasha and Furious. J'ai très hâte de l'avoir joué. Elle est, comme son nom l'indique, elle est furieuse. Elle est hargneuse. Et elle est passée du premier coup, elle a pris le lead, là, voilà. Et c'est 4 points. Ah et là, et voilà, elle repasse. Et elle repasse. Oh les. Elle et, chute, et mais ça elle se fait deux chutes sur les fesses. Et 8 points. Mais elle est motivée, c'est parti. C'est toujours pas passé du côté des Harpy Brackeuses. Parce que tout simplement la jammeuse est sur le banc, donc c'était un power jam. J'avais raté cette info. Bloqué comme d'habitude, j'allais te dire, par Nadmax. Et troisième chute sur les fesses pour notre Sasha and Furious. Nadmax qui est toujours aussi dangereuse. Du côté des Valiant, dangereuse en tout cas. C'est une excellente bloqueuse qu'on pourrait presque appeler le mur. Hein. Je me demande si les autres équipes ne m'appellent pas le mur, parce que c'est vrai qu'il est quand même difficile à passer. On est à 12 points pour les Valiant sur Furious. Ça me fait très plaisir de revoir. C'est toujours pas passé pour les Harpy Brackeuses. Hein. Ça me fait très plaisir de voir Sasha and Furious revenir. C'était Rebel Chic, son ancien nom, son ancien derby name, comme on dit. Comment c'était son nom? Rebel Chic. Rebel Chic, oui. D'accord. Et Sasha and Furious, ça va peut-être un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'elle est sacrément furieuse. Ouais. Un jam à 15 points. Voilà, premier jam depuis un an. Ouais. 15 points, très joli. Points. Bien joué, Sasha. Beau retour. Voilà. Voilà, elle pose ça là. 15 à 7. Les Valiant Beaches prennent le. Une petite avance. Voilà. Prennent le. De 7 points, 8 points. Mènent le jeu, c'est ça que je voulais dire. Ouais, et c'est reparti. On rappelle que l'Air Breakers sont était en tout cas au début de ce championnat second du classement, mais à égalité en termes de matchs gagnés avec, avec Bordeaux qui était première, c'était seulement goal average. Et sa place pour la Drummers des Valiant, Bloody Roostek. Voilà, retour aussi de Bloody Roostek après une blessure en mai dernier, je crois. Elle s'était cassé le, comment on appelle ça, le tibia, je crois, l'avant, le devant du mollet. Ouais, tibia fémur, perron. Le fémur peut-être, je sais plus. Alors, voilà, fémur, c'est donc, plus haut, pardon, tibia perronné, c'est en bas. Donc son grand retour, je crois, moins que les jouets. Ah non, peut-être qu'elle a joué. Non, elle a joué elle en février, oui. Elle a joué, effectivement, non, la dernière fois, en janvier, excusez-moi, en janvier. À Mérignac, elle y a joué, oui. Oui, voilà, elle a joué. Aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a eu des chutes. Ouais. J'ai eu peur qu'une des joueuses de d'Air Purac soit blessée, mais apparemment non. Ça colle de la part de Van Beaches qui ont mis 4 points. 3 points plus 7 points, donc 7 points en tout. Allez, c'est bien parti pour les Valiant, 22 à 7. On va voir que comment ça, si ça va durer, est-ce qu'elles vont refaire le coup de Limoges la dernière fois ou le coup contre Bordeaux de l'année dernière. Parce que personne ne les avait vu venir, elles ont fini par battre Bordeaux, qui je rappelle, cette année, sont premières du classement. Ouais. Elles avaient réussi à les battre. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant avec, avec les Valiant. Elles, ouais, elles peuvent battre les meilleures et perdre contre des, a priori, des équipes moins expérimentées qu'elles. Je pense que c'est le genre d'équipe qui peut être se mettre au niveau d'un challenger balèze, et mais si, enfin ouais, se mettre au même niveau que l'équipe en face, on va voir un peu mieux. Et si c'est trop bas, en fait, du coup. Moi, je trouve que le gros problème des Valiant, c'est le mental. Elles ont un peu tendance à ne pas garder leur sang-froid. Ouais. Quand elles passent devant une belle équipe, c'est arrivé il y a un mois et demi. C'était contre Bordeaux peut-être, ou contre Bayonne. Contre Bayonne, où c'était fait mener, elles avaient fini par prendre une avance d'une petite dizaine de points. Et à partir de là, elles ont commencé à faire des fautes, être très, très agressives. Et c'était très très dommage de voir ça. Voilà, le gros problème des Valiant se joue pour moi au niveau du mental, parce qu'elles ont clairement les capacités de battre un Pibrac qui est né à son deuxième match de la journée. Ouais, tout à fait, ouais. Il suffit de rester calme, de se concentrer, etc. C'est le gros mental, je trouve, le gros problème des Valiant généralement. On va voir ce que ça a donné sur ce match. Et ça passe pour Tassinator d'Air Pibraqueuse qui prend le lead. On est à 22 à 11 pour l'instant. Ah non, non, non, non, non, elle va en prison. Les deux vont en prison. Alors, laquelle camp? Et alors, la verte en premier, et voilà. Et la blanche en second, du coup la blanche revient. Non, c'était l'inverse. Mais il me semblait bien que. En fait, je pense qu'il commence à compter à partir du moment où vous êtes assis. Et comme, et comme elle a été. La première à s'asseoir des Valiant, voilà. Du coup elle est ressortie aussi. Même si je pense qu'effectivement elle a été sifflée après. Ah non, mais les deux après. Sont sur le track. Mais oui, parce que forcément, puisque la première n'a fait qu'une seconde le temps que l'autre arrive, la seconde n'a fait qu'une seconde aussi. D'accord, ok. C'est ça la règle. Ah oui. Ah donc c'est vite revenu, d'accord. Exactement. Si la seconde arrive pendant que la première, Tassinator est rentré fort dans le pack là. Ça c'est interdit ça. Je trouve ça bizarre. Elle a mis un gros coup d'épaule, deux derrière, deux derrière sur le dos de la joueuse des Valiant. Ouais. Ça c'est effectivement complètement interdit. Donc c'est fait sortir la jameuse des RP braqueuses. Il y a Gasoline aussi qui est bloqueuse des Valiant qui est en prison. On a 4 contre 4, mais avec un power jam du côté des Valiant. Double poids a quand même du mal à passer. Du mal à passer. Elle ne trouve pas de trou, de faille là, dans la défense des RP braqueuses qui est assez solide. Les Valiant essayent de l'aider en passant sur le côté, en repoussant les adversaires vers l'extérieur. Ça ne marche pas. Non. Ah, elle n'était pas loin, mais malheureusement elle s'est faite bloquer la route. Double pot est pas loin, elle va se faire sortir. Non, elle sort pas, elle revient, mais elle passe pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est difficile, hein. Un power jam qui, malheureusement, n'aura pas donné l'effet escompté. Et c'est Tassinator qui passe. Est-ce qu'elle prend le lead ou pas? Ah non, elle avait le lead, elle a perdu le lead. Elle a perdu, donc personne n'a le lead. Tassinator a 4 points, double pot en a 0 pour l'instant. Tassinator engage 4 points de plus. 8 à 0. Quoi, elle repart en prison? Ah non, c'est la fin du jeu. Je l'ai retourné. Ah, il me semblait pas que ça faisait 2 minutes, c'est pour ça. Il me semblait pas que ça avait été aussi. Non, quand tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de power jam, il restait 9 secondes. Ah, c'est oui, oui. Voilà. 26 pour les Valiant Beaches d'Anglette. Les Air Pibraqueuses de Pibraq sont à 19. Une légère, très légère avance des Valiant Beaches pour l'instant. Mais on connaît la capacité des Air Pibraqueuses à faire des braquages. Ouais. C'est dans leur nom. Et, hein, Sacha Impurius et, pour les et qui passe joliment. Ah, très joli retour de Sacha, ouais. Sacha qui revient. Voilà. Ouais, elle a le sourire. Elle a le sourire, oui. Elle a tout le monde qui l'a. Un an sans jouer. Ouais. Voilà. C'est ça. Elle sans jouer, mais elle était toujours dans les parages quand même. Hein. Ah, elle est contente. Toujours présente à l'arbitrage ou quoi que ce soit. Et elle est contente en tout cas. 4 points. 4 points pour Sacha Furious qui décidément n'est pas là pour déconner. Oh, les 8 très, points. Très joli voilà. Retour. Très joli retour ouais, de Sacha. C'est clair. Ça fait plaisir à voir. En face, c'est difficile. En face, ouais. C'est plus difficile en tout cas. Et c'est pas, c'est Moonjet qui ne passe pas. Et ça pas. Y est, ça passe pour Moonjet. Ça finit par passer pour Moonjet. Est-ce que Sacha va tenter une dernière fois de passer ouais. Avant de coller, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Elle est passée. Elle colle. Voilà, il y a colle. Je pense qu'elle nous met 12 avait, points. Voilà. Elle savait que... Voilà, 12 points. Ah ouais, sacré retour de Sacha quand même. Ah oui, oui. Deux très beaux jams. En face, Moonjet, qui est peut-être aussi la moins expérimentée, je pense, des jammeuses de, ah, peut-être. De Pibrac, qui ont Lucifer, Tassinator, qui sont les deux très, très doués. T-Time, qui est pivot, mais qui, quand elle passe, jammeuse est aussi assez efficace. Et Moonjet, qui est peut-être la moins expérimentée, cela dit, attention, je dis moins expérimentée, on est quand même à Pibrac. Ouais. Elle est loin d'être mauvaise. Lucifer, face à Bloody Roostex, c'est Lucifer qui passe. Et qui trace. Attends, ah ouais. Lucifer, elle trace toujours, de toute façon. Ah ouais. Et voilà, elle a beaucoup d'appui, elle est très, elle est assez grande et pourtant elle se baisse assez pour avoir un point. Oh, de... et non, ça passe pas, dommage. Je vois un point de gravité assez bas. Ouais. Un centre de gravité assez bas et donc c'est pour ça qu'elle ouais. Elle reste très agile et très et en fait même quand elle met des coups comme elle arrive à garder son point de gravité très bas, elle arrive à être très dangereuse malgré son petit gabarit. Ça passe toujours pas hein, pour Bloody Roomsteak des Valiant. Non, alors que Lucifer chute, mais se relève aussi ouais. Sec et repasse. Et en grand, ouais. Jeu, 8 points, c'est ouais, ça ouais, c'est ça. On en est à 8. La Sueur qui est en prison, pivot des Valiant Beaches. Lucifer continue sa chevauchée, le Bloody Roomsteak. Et juste derrière elle, ouais, voilà. Le coach de Pibrac lui a dit de coller. Bah, écoute, 8-0, ça suffit largement pour l'instant. Oui, et puis ça permet de ne pas permettre à la pivot des Valiant de revenir sur le track aussi. Hein. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc de faire démarrer un nouveau jam avec un de moins pour les Valiant sur le track. C'est ça. 10 minutes, Evan et Mitchell sont toujours devant, 38 à 27. Un écart qui n'est pas si confortable, c'est un petit écart. Ouais, 11 points, c'est rien. Voilà, je rappelle, mais on connaît Pibrac pour ses énormes jams qui sortent de nulle part de temps en temps. Donc attention. Allez, c'est parti pour Elastic Cam. Elastic Cam, très bien, par Tassinator. Tassinator qui a failli sortir, mais ouais. qui a longé la piste extérieure. Qui a un demi-track à peine, même ouais. Pas de Tassinator de retard. Et qui va très vite, Tassinator, et qui essaye de la rattraper. Ouais. Oh, ça passe pour Elastic Cam, elle colle bien. 4 points assurés. Elle colle 2 points pour les blanches, 0 pour, ouais, pour les noirs. 3 points pour... 3-0. Voilà. Donc là, je dirais qu'en tout cas sur ce match, c'est à partir du moment où le premier sifflet est là que c'est comptabilisé. Parce que sinon, en fait... elle avait passé les 4 pour moi. Sinon, elle avait passé les 4. Ouais. Et en vrai, sinon, la joueuse de Pibrac en avait passé 3 aussi. Ouais, d'accord. Donc ça laisse, voilà. Vous voyez qu'en simplement 3 coups de sifflet, on a le temps de passer 3 joueuses. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez important d'être précis sur ça. Voilà. 41-27, double pot pour les Valiant Beaches, Moonjet pour les Harpy Braqueuses. Sa bataille sec des deux côtés. Ouais, ça passe pas, ça défend bien. Hein. C'est, ça défend bien. C'est solide là. Nadmax qui recycle Moonjet, double pot assisté par Adrenalis qui n'arrive pas à passer, qui chute malheureusement et qui se refait dépasser. Et elle passe par l'intérieur. Joli, bien passé. Elle prend le lead. On parle de double pot pour les Van Beaches. Ah, il y a eu un star pass du côté des Harpy Braqueuses. C'est Titan qui reprend le flambeau. Voilà. Et qui passe un demi-track d'écart. Double pot bien à l'intérieur et à colle 4 points. Double bien pot qui donne les conseils au bon moment. Ouais. Ce qui fait que les bloqueuses des Valiant ont bloqué les bloqueuses adverses. Ouais. Et donc lui ont laissé le passage pour faire un très joli boom track. Voilà, c'est précis, c'est net. Il n'y a pas de bavure comme on dit. Ouais, non, c'était. Si, il y a une petite bavure, je vois Duchesse qui est en prison. Je l'avais pas vu. Duchesse en prison, qu'une petite bavure quand même. Hein. D'accord. Ah, c'est le retour de Sacha Furious. Sacha Furious qui est jammeuse pour les Valiant. Ça fait un an qu'elle cumule toute cette énergie, autant vous dire que ça va pas. Ah, ça mais c'est passé pour Lucifer aussi. Mais il met Lucifer derrière. Ouais. Faut pas déconner non plus. Et alors là, ça passe pas pour. Il y a un Star Pass qui a été fait. Il y a un Star Pass, voilà. C'est Vicious Nanette qui reprend le flambeau, ancienne jameuse des Valiant Bitches qui est passé plus. Oh là là là là là là, très mauvaise. Les Valiant qui sont sous l'ombre et qui n'arrivent pas à bloquer Lucifer qui passe. Gros coup sur Vicious Nanette. J'espère que ça va aller. Mais qui se relève aussi sec. Lucifer qui arrive. Sacha and Furious qui la bloque. Voilà. Elle a failli chuter, mais non, c'est pas suffisant pour arrêter Lucifer qui est à 8 points. Vicious Nanette qui essaie de marquer 4 points, je crois. Et Duchesse qui est de retour sur le track. À Vicious Nanette, 4 points. On est à 8 à 4. 8 à 4, 4 points de plus bientôt, je pense, pour Lucifer. Voilà, oh, c'est okay, fait. Passé. Est-ce qu'elle colle lettre à la poste. Oh, elle ne colle pas, elle ne colle pas. Elle va laisser Vicious Nanette éventuellement. Oh, très joli Vicious Nanette, un joli saut à l'intérieur. À l'intérieur du track, très très joli part de Vicious Nanette, un très joli geste technique. On est à 12-8. 12-8. Et là, faut arriver à l'arrêter un peu à Lucifer, histoire de que Nanette. Et elle colle. Voilà. Et elle colle, je pense, 2 points, c'est ça, pour 2 points pour Pibrac. Ah, 14-8. Et 14-8, et pourtant, elle a l'air dépitée, Lucifer. C'est pas assez bien pour elle. Ben ouais, mais ils ont réussi à éviter l'hémorragie dans les Valiant. C'est dommage, parce que c'est quand même 14-8, c'est vraiment pas du tout dégueulasse. C'est très bien. C'est juste 6 points de prix, finalement. Ouais, c'est 6 points de prix, mais bon, elles sont en 53-41 pour l'instant. 6 points, 4 fois, c'est fini, quoi. Oui. 6 points, c'est très bien. C'est pas suffisant pour Lucifer, apparemment. Allez, c'est reparti. Tassinator du côté d'Air Fibrakus, Bloody Roustek du côté des Valiant Bitches. Ça va tenir, ça chute. Ça chute. C'est Bloody Roustek qui passe, prend le lead pour les Valiant Bitches. Les Valiant Bitches qui sont en train de se dire que éventuellement elles peuvent gagner ce match. Et pour l'instant, en tout cas, ça a l'air pas mal parti. Pour Tassinator avec la pivot des. La sueur qui arrête. Non, c'est pas la sueur, pas du tout. C'est Nad Max, pardon, que j'ai confondu. La sueur est en prison, oui. La sueur est en prison encore. Attention, voilà. Ça fait deux. Bloody Roustek qui a mis 4 points, qui est un demi-track de Tassinator, qui va essayer de mettre ses 4 premiers points alors que Bloody Roustek essaie de mettre les 8. Elle chute à l'extérieur, elle colle. Est-ce qu'elle a un point? Je ne vois pas l'arbitre des Valiant. Elle est là. Molle du cul. C'est le nom de l'arbitre des Valiant. Ah ouais, d'accord, j'arrivais pas à lire depuis tout à l'heure parce qu'elle a les cheveux dessus un peu. Non, c'est Moldu comme Harry Potter, et Q comme la lettre. D'accord. Moldu Q, c'est pas mal. Un point pour les Valiant Bitches qui marque 5 points, 0 pour l'arbitre braqueuse, 58-41. On est à 17 points d'écart. Ouais. 17 points d'écart. Écoute, si les Valiant Bitches continuent, voilà. Ça y est, elles ont la tête froide. J'ai l'impression que ça va là, elles engrangent des points petit à petit. Elles ont la bonne technique, il faut continuer sur ça. En espérant que Pibrac ne fasse pas un de ces braquages légendaires. Ouais, parce que là, elles sont à un jam de Sacha, quoi. De Sacha and Furious. Ouais. Un bon jam de Lucifer, hein. Aussi. Lucifer est dangereux, je rappelle que 14 à 8, c'est pas suffisant pour Lucifer. Ouais, Lucifer a des ambitions, et Lucifer, ses ambitions, elle les réalise. Ouais, c'est vrai. Attention, elle est dangereuse, je dis ça, le Tassinator est pas loin derrière. Ça je fais en tout cas, évidemment, en Valiant Bitches, on est à domicile, donc les supporters et supportrices sont là pour animer le cours. Ah ouais, ils mettent l'ambiance, on les entend. Ouais. Alors là, on a une petite pause arbitrale pour... je sais pas de quoi ça discute. J'ai l'impression que c'est... c'est un arbitre. Non, j'ai confondu avec un des coachs de Pibrac, pas du tout. C'est les arbitres qui discutent, qui remettent au point quelques questions. Et ça va bientôt être reparti. Est-ce que tu crois qu'ils ont enfin trouvé la réponse à quel est le meilleur M&M's ? Y a-t-il vraiment une bonne réponse ? Je crois pas. C'est pas évident. La sueur qui démarre en prison. Pivot des Valiant Bitches. C'est Bloody Roustek qui a pris le rôle de jammeuse pour les Valiant Bitches. Et qui passe ? C'est Elasticam. Pardon, c'est Elasticam. N'importe quoi. Pour oui, les c'est Valiant qui a pris le lead. Alors il y a eu un star pass du côté Harpy Brakeuse. Très très rapide de la part qui ont très très vite réagi. Les Harpy Brakeuse, c'est Ninaicorn, je ne sais pas comment il faut le prononcer. Qui est là, Elasticam qui prend 4 points et Ninaicorn qui se fait recycler. Elasticam, qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que Elle continue parce que je pense que Ninaicorn a déjà pris un point ou deux et là c'est l'occasion d'enfoncer un peu le clou. Ouais. Elle prend à l'intérieur et malheureusement, elle est coupée et hein, ça va être difficile de se dégager pour Elasticam. Ah. Aïe, aïe. Duchesse qui repart en prison. Et la sueur est de retour sur le track, on n'avait pas vu. Ouais, Ninaicorn. Elasticam call. Ouais, Ninaicorn qui a finalement sorti, enfin a pris 4 points. Du côté Van Budget, c'est 8 points, 8 à 4. On creuse l'écart tranquillement. On est à 15 minutes et ça fait 13 minutes que les Van Budget sont devant. Attention, toutefois, les Van Budget ont un peu trop l'habitude de se laisser aller. Mmh, c'est clair. Donc on va voir la constance. On va voir si elles sont constantes. Elles sont constantes face à Pibrac qui est une équipe dangereuse. 66 pour les Valiant Beaches, 45 pour les Harpy Brackers. Allez, 21 points d'écart. Et c'est reparti. On a qui Lucifer. Et double pot s'est fait recycler. Lucifer aussi. Ouais. C'est Vicious Nenet qui ça travaille bien en défense là. Netmax et Vicious Nenet qui essaie de bloquer avec gasoline Lucifer. Ouais. Ça marche pas mal, pas suffisamment. Mais pas suffisamment. Non. Voilà. Non, Lucifer, c'est passé pour Lucifer qui prend le lead. Double pot. Où est-ce qu'elle est double pot? Double pot. Elle est toujours dans le pack là-bas. Elle est coincée. Toujours dans le pack. Elle tente le star pass. Ouais, avec Vicious Nenet. Et attentée Star Pass, Lucifer se fait recycler au moment où il essaye d'enranger ses 4 premiers points. Nadmax va essayer de s'occuper de Lucifer, mais Vicious Nenet est parti sur le banc avec l'étoile, donc il y avait bien le Star Pass. Oui, effectivement. Lucifer est en Power Jam, effectivement. Ouais, voilà, elle colle. Elle colle, a pris combien? 4 points. 4 points. 4 points. Lucifer qui doit être frustré, pas suffisant pour elle, j'imagine, encore une fois. Mais bon, 4 points, c'est toujours bon à prendre. L'écart n'est pas assez grand pour cracher sur 4 points. 66 à 49, ça fait 17 points d'écart. Allez, deux jams moyens et c'est rattrapable. Et toujours Vicious Nenet qui est sur le banc avec l'étoile. On est donc en power start pour l'Air Puracus et Tassinator qui va essayer de gagner ce lead. Sa bataille. Surtout que là, elle a toutes les bloqueuses de. Elle passe à Valiant gauche. Juste pour s'occuper d'elle. Donc, les Valiant qui ont une technique à deux. Quoi. Au lieu de 30 tripodes, elles sont 2 et 2. Et ça passe pour Tassinator qui prend le lead, évidemment. C'était, elle est toute seule en même temps. C'est le retour de Vicious Nenet. Très discrètement. Ouais. On l'a pas vu revenir. Voilà. Et passer. Est-ce que Vicious Nenet a mis un pied dehors j'ai cru que Vicious Nenet avait mis un pied dehors. Apparemment, non, c'est bon. Voilà, et là Tassinator se fait bien contrôler dans le pack, elle a du mal à passer. Qui essaye ça permet à Vicious Nenet de revenir recoller au pack. Elle essaye de passer ses premiers points. Wow, très joli Vicious Nenet. Elle marque les 4 premiers tours. Elle n'a pas le lead, donc elle doit continuer jusqu'à l'arrêt jusqu'au call de Tassinator. Exactement. Tassinator qui passe le pas et qui colle. Qui colle. Combien? Je pense qu'il y a quand même un point ou deux. 3 points. 3 points pour l'Arpivrakaz. 4 points pour les Valiant Beaches, c'est très bien joué, un très très joli geste de la part de Vicious Nenet qui est passé une fois encore par l'intérieur en sautant. Ouais. Je rappelle que si elle ne touche pas l'intérieur du track, on va dire vraiment le milieu du track, tant qu'elle ne touche pas physiquement, elle peut sauter par-dessus, il n'y a pas de problème. Ouais. Petit saut de biche. Exactement. Dans le virage, c'est beau à voir, quand ça passe. Regardez, il y a une espèce de cohésion de la part des Valiant Beaches qui se font, une espèce de câlin collectif. Ah, il y a... un meeting avec les arbitres et les coachs, exactement, et les capitaines. C'est pour ça qu'on a vu Adrenalize revenir précipitamment parce qu'elle est capitaine des Valiant Beaches. 70 à 52. Sur quoi est-ce qu'on remet Il me semble que c'est le coach de Pibrac qui est en train de parler. C'est entre lui qui a une revendication à apporter. Ouais, je pense qu'il est en train de leur dire que c'est le M&M's jaune qui est vraiment le meilleur. Quoi. Ouais, certainement. Voilà, je vais arrêter avec Stevan. Donc voilà, comment ça se passe. Les coachs arrivent, ils exposent leurs problèmes. L'équipe adverse, généralement, essaie de se défendre ou pas selon le problème. Les arbitres font une petite réunion et vont donner leur conclusion. On a vu Mali Chupita aller faire un câlin à ses joueuses sur le track. Il y a une bonne ambiance, elles sentent que c'est possible. Je pense qu'elles sont contentes du retour de Sacha Furious aussi. Il y a de ça. Mais qu'est-ce qui se passe là si elle gagne? Il se passe, à mon avis, que. C'est la fête. Que déjà, c'est la fête. Ouais. Que Pibrac a perdu. Pibrac a perdu contre Bordeaux. On est d'accord. Ouais. Donc Pibrac est définitivement seconde au moins. voire peut-être seconde ex-aequo avec quelqu'un, ouais, avec les Valiants. Un des troisièmes, ouais. Les Valiants sont derrière. Hein. Ouais. Donc gagner ce match, ça pourrait faire quand même basculer pas mal de choses. Ouais. Après, je pense quand même que s'ils sont en égalité, Pibrac aura engrangé plus de points au goal average. Donc Pibrac serait devant les Valiants, mais ça serait un beau ça serait beau pour les Valiants d'arriver à égalité avec Pibrac à la fin du tournoi, et visiblement c'est possible. On est à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps et les Valiants sont toujours en tête depuis plus de 15 minutes. Pas de beaucoup, hein, toujours de moins de 20 points. C'est pas énorme, 20 points au roller derby, mais elles sont toujours devant, 70 à 52 pour l'instant. On va voir ce que ça va donner à la mi-temps. La mi-temps a souvent été aussi dangereuse pour les Valiants. Ah ouais, c'est pas leur fort mi-temps, deuxième mi-temps. Non, parfois elles explosent. Que, ouais. Parfois elles explosent, parfois elles s'écroulent. Donc on va voir, le jeu a l'air de reprendre, les joueuses se remettent en place sur le track. Je pense que la défaite contre Bayonne la dernière fois, alors qu'elles auraient pu, elles avaient le niveau technique pour gagner, mais elles se sont énervées, c'était assez frustrant à regarder. Je pense que ça les a obligés à se remettre un petit peu en question sur leur tempérament sur le track et être un peu plus calme, un peu concentré. Et ça passe en pour partie, c'est Moonjet qui a pris le lead pour Pibrac. C'est Sash & Furious qui s'est fait recycler par T-Time, ouais. Qui revient derrière alors que Moonjet essaye de marquer ses 4 premiers points. Sash & Furious ne passe toujours pas, elle rechute. Aïe. Où est-ce qu'elle est? Je ne la vois plus. Elle revient, elle essaye. Ouais, il y a un Star Pass très discret. Voilà, Adrénalise a pris l'étoile. Elle est passée, premier tour. J'avoue que je l'ai pas vu. Moonjet se fait toujours recycler, donc ça y est, elle a collé, elle a peut-être elle colle 4 points, je pense. 3, 3. 3 points 3 points, ouais. 3 après points. L'arbitre, 3 points. Ouais, 3 points. 0 voilà. Pour les Valiants. Oui, et contre Bordeaux, tu parlais il y a un mois et demi, je me rappelle après avoir trouvé Boody Roomsteak en larmes dans les tribunes parce qu'elle s'en voulait énormément de son match. Et parce que rappelle-toi qu'elle avait fait beaucoup de fautes et tout ça au jam, enfin elle avait beaucoup d'erreurs. Est-ce que c'était Bordeaux ou est-ce que c'était contre Bayonne? C'était Bayonne. Bayonne, qui sont les rivales historiques des Rennes, sont des matchs importants pour les deux équipes. Ouais. Et Bayonne avait joué très proprement, très bien, ouais. Très calmement, et Valiant s'était énervé. Elles avaient le niveau technique pour gagner, ouais. Mais elles n'étaient pas du tout, la tête froide. Ouais, voilà. Et ça passe pour Bloody Roomsteak. Peut-être après peut-être, Lucifer. Voilà. Ah, c'est Bloody Roomsteak qui a le lead. Bloody... C'est bizarre. Est-ce pour moi, c'était Lucifer qui l'avait. Ah, moins que Lucifer soit. Qu'est-ce que c'est bizarre ça, ouais. Non, c'est bien Lucifer qui a le lead. Ah oui, voilà, c'est il y a une erreur sur le tableau de score. Voilà. Donc j'avais bien suivi. Donc, c'est Lucifer, bien Lucifer le lead, qui a le lead. Suivi qui de met 4 points, je crois, Bloody Roomsteak qui voilà. Sort. 4 points, Bloody Roomsteak s'est fait recycler. 4 points pour l'Air Pibrakeuse, Bloody Roomsteak qui. 4 partout ou est-ce que c'est son premier passage? Non, 4 partout. 4 partout, voilà. Et Lucifer qui repasse, qui chute. Ouais, qui avait fait 8. Je pense qu'elle a mis ses points, mais néanmoins, on peut continuer à le bloquer. Ouais. Elle colle. Je pense qu'il y a 4 points. Il y a 8 et 8-0. Oui, c'est ça. 8-4. C'est ça, 8-4. 0 sur ce tour-là, mais. Sur ce tour-là, effectivement. 8-4, l'écart se resserre, 74 à 63, 11 petits points d'écart. Toujours le même écart en fait, il bouge pas. Il bouge pas, il se resserre un peu je trouve quand même. Tout à l'heure ça tournait plus autour des 18-20. Ah voilà, ça fait un moment qu'il est à 11. Ça commence, il reste 8 minutes sur cette première manche. Et allez, c'est personne parti. En prison, on est reparti. Double pot pour les Valiants, Tassinator pour Pibrac. Tassinator pour Pibrac, double pot effectivement. Ça et chute, Tassinator. C'est Tassinator qui repart. Ouh là là là, qu'est-ce qui se passe? Double chute. Adrénaline qui fait sortir qui est en prison. La sueur qui essaye de bloquer. Et ça passe pour double pot. Ça ne passe pas. Double pot qui prend le lead. Non, c'est Tassinator qui prend le lead, pardon. Tassinator qui prend le lead, oui. Finalement. Et double pot qui est pas loin. Ah, double pot qui a fait un star pass avec Vicious Nenette. Malheureusement, ils étaient vraiment pas loin de passer. Mais ouais. Non. Tassinator profite du chaos pour passer et engranger ses 4 premiers points. Ouais. Elle colle 4 à 0. L'Air Pibrakeuse remonte petit à petit, mais elle remonte 74 à 67. Toujours les Valiant Beaches devant de 7 petits points. Il reste 7 minutes sur cette première mi-temps. Bon, c'est pas le moment de s'écrouler, les Valiant. Là, c'est le moment de maintenir, voire de remonter un petit peu le niveau, de marquer quelques points avant la mi-temps. Il faudrait une Sash & Furious là. 16 points, tac. Ouais, comme elle a été au début du match, mais bon, je pense que qu'en face, elles l'ont vu faire ça, elles se sont dit, on va falloir qu'on trouve un plan pour l'arrêter celle-là. Ouais, on va la calmer un peu. Voilà, Alors là, c'est Elasticam qui jump pour Valiant et Moonjet. Aïe, pour Elasticam qui chute, Moonjet qui se fait recycler. Recyclé, voilà. Elasticam qui bataille Moonjet qui revient de loin, Duchesse qui bloque bien avec Vichinenet et je crois que c'est Nadmax à côté. Adrenalis qui revient sur le track. Ça passe pour Moonjet de Pibrac qui prend le lead. Qui prend le lead et elle passe pour Elasticam. Elle est suivie de près par Elasticam. Ouais, elle va tenter un boom track, je pense. Ouais, il y a des chances. Parce que Pibrac ne prend pas de risque sur ce match. Ouais. Elle voit bien qu'elles n'ont pas ce luxe là. Elle colle. Elle colle, ouais, voilà. Mais elle... je pense qu'il doit y avoir 2-2 ou 2-3. Peut-être un point pour les Valiants. 2-0. Ok, c'est vraiment le premier coup de sifflet quoi. Ouais. C'est même, t'as même pas le temps d'entendre le sifflet que c'est déjà compté. 74 à 69, 5 petits points d'écart. L'écart se resserre, attention. Là oui, ça se resserre. Attention. 5 minutes 50 au compteur. Qu'est-ce qui se passe? Les Valiants ne sont pas sur le track. Est-ce que ça demande un temps mort? Il y a un temps mort? C'est le moment. Oui, il y a un timeout qui a été demandé, ouais. Effectivement, par les Valiants, je dirais. Effectivement, c'est le moment de, avant la mi-temps, de se remettre en selle, de repartir comme au début du match, ouais. où elles ont vraiment bien joué, elles ont réussi à creuser l'écart. Bah, c'est le moment où il faut enfoncer le clou, quoi. C'est ça, c'est le moment où il reste encore un peu de temps quand même, presque 6 minutes. Finir cette première mi-temps en beauté et avoir cet avantage au moins psychologique sur leur adversaire. Et l'Harpy Brackers, voilà, elles en profitent aussi. Hein, c'est les Valiants qui ont demandé le temps mort, mais les Harpy Brackers en profitent aussi. Il me semble que sur le track, elles établissent une petite stratégie. On va voir ce que ça va donner. Hein. 5 minutes 43. Pour l'instant, les Valiant Beaches d'Anglet sont devant avec 74 points. L'Harpy Brackers de Pibrac sont à 69 points. 5 petits points d'écart. Ouais. C'est rien du tout. Ah non, c'est rien du tout. Là, un jam, tout peut basculer. Absolument. On va voir. On voit T-Time et Lucifer comploter dans leur coin. Certains temps en train de mettre en place une stratégie. Et connaissant les deux Gugus, ça serait pas étonnant que ça marche. Ouais. Ah, Sacha Furious qui revient sur le track. Est-ce qu'elle est toujours aussi furious? Est-ce qu'en face ils ont trouvé comment l'arrêter? On va voir ça face à Lucifer. Face à Lucifer, effectivement, oui. Voilà. 5 minutes 43 sur cette première mi-temps. C'est reparti. Allez, c'est parti. Ouais, ça attaque. Allez. Fort. Lucifer qui va à droite, à gauche. Sacha Furious. Lucifer qui passe devant, qui prend le lead. Attention, il y a T-Time. Il l'a arrêté juste à temps. Ouais. C'est très très bien joué la part de T-Time. Le petit coup de hanche dernière minute. Là, Lucifer se fait recycler aussi, cela dit. Je pensais que Lucifer allait finir par passer. Ouais, moi aussi. Et Sacha Furious. C'est Lucifer. C'est Lucifer qui finit par passer. Oula, Lucifer qui a l'air fatigué. Elle a donné beaucoup. Ouais. On rappelle que c'est quand même le deuxième match aussi de Derby Brackers aujourd'hui. Hein. Ça va être, les chaussettes doivent être lourdes. Exactement. Ouais, elle a déjà collé. Donc elle a collé 100 mètres de point. Ouais. C'est étonnant ça. C'est étonnant parce qu'elle avait encore un peu de marche quand même. Après, est-ce que Lucifer a failli se blesser sur le premier match? Ah, ouais, d'ailleurs une médic est allée la voir. Est-ce que ça joue pas un petit peu? Est-ce qu'elle n'a pas senti un des muscles un peu fort et qu'elle a préféré arrêter là plutôt que de se blesser réellement? Ouais, parce que c'est étonnant. D'habitude, dès qu'elle passe le bloc, elle se met à tracer. Oui, et puis là, la jammeuse adverse, Sacha Furious, n'était toujours pas passée, il me semble. Donc elle avait encore cette marge là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Médic. Ah non, Monkey Track. Ah, Monkey Track, effectivement. Donc pour remettre le scotch. Personne en prison, on repart toujours 74 à 69. Les arbitres discutent tranquillement entre eux. On remet des petites choses au point. Pendant que le Monkey Track fait un petit peu le tour pour voir où est-ce qu'il y a du scotch à remettre. Ça rigole entre les deux équipes néanmoins, mais une bonne ambiance. Oui, ça se passe toujours à la bonne ambiance, à jouer avec bonne humeur. Ça fait toujours plaisir. Alors que ça se met des sacrés bouchons, hein. c'est ça qui est très drôle. Ouais. Mais c'est toujours avec beaucoup de respect, de bienveillance et tout ça. C'est très beau, c'est très sympathique à voir. Allez, c'est reparti. Les Van Beaches sont devant de 5 petits points en face de Harpy Brackers. On repart sur un jam, 4 minutes 37. Allez. Bloody Roustek d'un côté, Tassinator de l'autre. Tassinator, ouf, qui bataille sec. Hein. Et qui passe. Tassinator. Et suivi de près par Bloody Roustek. Ouais. Est-ce qu'elle va essayer de l'obliger Ah voilà, elles font, c'est bien ce qui me semblait, c'était le moment de le faire. Les Valiant Beaches font la technique de l'échapper. Ouais. Peut-être pas assez longtemps. Non. Pas du tout assez longtemps. Stassinator passe. Bloody Roostek passe aussi, pas ouais, encore. Pas encore. Si, si ça, ça passe. Y est, elle passe. Elle passe. Le bloc est complètement chaotique, ouais, complètement ouais. éclaté, effectivement. Stassinator, 4 points. Bloody Roostek aussi. Je pense qu'elle va tenter un dernier. Elle y va sec dans les blocs, Stassinator. Ouais, ouais. Elle y va. En même temps, c'est bien son nom, Stassinator, tassé. Voilà! Stassinator qui a esquissé un geste. Ça passe pour Bloody Roostek aussi. Ouais, 8 points partout. Stassinator qui avait esquissé un petit geste de colle. Qu'il a annulé au dernier moment. Et non, parce qu'ils ont deux joueurs sur le banc. Ils ont deux joueurs sur le banc. Je pense que le coach lui dit de continuer à tourner le temps de faire sortir les joueurs du banc. Malheureusement. Et là, elle s'est fait bloquer. Donc du coup. Eh oui, mais c'est Bloody Roostek qui a profité. Et passé. Eh oui. Il fallait être deux bloqueuses en moins sur le track, ben ça laisse des trous quoi pour passer en défense. Ah. Oui, oui. Donc du coup là ça fait 12 partout si je dis pas de bêtises. Ouais, ça exact. Fait 12 partout et la Stassinator a toujours le jam, ça continue. Ouais, ça continue, elle attend que sa joueuse rentre ça hier. Ben, ça fait 16 à 12 alors, si jamais ça continue. Non, 12-12. 16 à 12, effectivement. Pour les Valiant, elle a continué. Bien sûr qu'elle a continué. Elle s'est fait recycler, elle a continué, puisqu'en face, ça collait pas, donc elle a continué. D'accord. Et elle a fini par passer. 16 à 12 pour les Valiant Beaches. 9 points d'écart, 9 petits points d'écart, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. 2 minutes 50 avant la fin de cette première mi-temps. Décidément, si les Valiant Beaches gagnent, on aura une fin de journée étonnante. C'est et ça fait plaisir. Ouais. On aime les choses étonnantes ici à Radio Neuculture. Allez. Elasticam et Moodjet sur les Jammeuses pour les Valiant et les RP Breakers. Ah, ça coince fort là. Là, ça avance pas. Ça bloque. Il y a très peu de mouvement sur le track. Et ça y est, Elasticam a trouvé un trou et est passé. Elle prend le lead pour les Valiant. Moodjet en face est toujours bloqué. Et ça passe aussi ça pour Moodjet. Ah non, c'est pas Moodjet. Si, c'est Moodjet. Je crois qu'elle avait fait. Elle a dû faire une tentative de Star Pass. Feint de Star Pass, exactement. Voilà. Et. Nenette qui fait le ménage pour laisser passer Elasticam pour l'aider et ça marche. Ça bloque bien quand même, mais pas assez cette fois-ci. Elasticam qui colle, très bien, 4 points. Qui fait un boom track. Ouais. 4 ça points, fait 13 points d'écart. Beaches. Ouais, elle creuse l'écart, c'est très bien ça, creuser l'écart juste avant la mi-temps. Si elles arrivent à garder cet écart-là avant la mi-temps, ben, ça va leur donner un léger avantage en deuxième mi-temps, en espérant que mentalement elles ne s'écroulent pas. Ouais. Et par contre Pibrac, je trouve ça étonnant qu'elle soit pas déjà réveillée. Je trouve ça étonnant que Pibrac soit pas déjà passé en mode un peu plus offensif. Toujours pas de gros jam de Pibrac, hein. Non. Ça implique une belle défense de Van Bichis, hein, Non mais ça défend bien, mais des deux côtés, hein. Sachin Furious Lucifer. C'est Lucifer qui passe, Sachin Furious derrière, elle bataille fort. Bataille fort, mais elle le savent en face que Sachin Furious est dangereuse. Sachin Furious vient de passer un demi-track de différence. Je pense qu'elle va tenter un boom track, effectivement, Lucifer. Mais les Van Bichis défendent bien, elles reculent en même temps. C'est très bien, ça laisse le temps. Ouais, ça passe. Bien, ça laisse le temps. Ah, elle se fait gêner un peu par sa. Par sa coéquipière, mais c'est petit aussi, c'est petit. Ça bloque un peu. Sachin Furious qui profite du fait que tout le monde est concentré sur Lucifer pour passer un petit peu discretos sur l'intérieur. Lucifer qui passe pas, hein, ça y est, elle passe enfin. 4 points d'avance pour Sachin Furious. Ouais, et ça passe pour Sachin Furious. 8 points d'avance. Elle a plus le sourire, Sachin Furious, ça y est, commence à fatiguer, c'est normal. Ouais. Elle a plus autant de sourire que d'habitude, il faut reprendre le. Oui, mais ça y est, elle est rentrée. Oh, bah, bien, très joli recyclage de Lucifer. Elle colle. Ouais, par adrénalise. Et ça 8 à 4. Ouais, 102 à 85. 17 points. 17 points d'écart pour terminer. C'est très très bien ça pour les Van Bichis qui crée elle aussi un petit peu la surprise. Alors on le sait que les Van Bichis peuvent être extrêmement dangereuses, mais ça dépend des fois. Ah, est-ce qu'il y a un dernier petit jam? J'ai lancé la musique trop tôt. Il y a un dernier petit jam. Est-ce qu'il y a un dernier petit jam? Ah ouais, il y a un petit jam. Ben, j'ai lancé la musique un peu tôt. Excusez-moi, quelle erreur je suis. Ouais, il y a un dernier jam, d'accord, le temps était terminé pourtant. Il y a un dernier jam. 102 pour l'instant pour les Van Bichis. Les RP Breakers sont à 85, ça fait 17 points d'écart. Est-ce que ce dernier jam va donner un peu plus d'avantage aux Valiant ou est-ce qu'au contraire ça va faire revenir les RP Breakers? Il y a Vicious Nenet qui est pivot pour les Valiant Bichis qui est en prison. Je vois une arbitre aller voir Levan Bichi, je ne sais pas trop pourquoi, qui va voir Mali Choupita. Qu'est-ce qui se passe? Le silence est installé d'un coup dans les gradins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se... Non, elle va voir ensuite le coach de Pibrac. C'est pour confirmer ce jam peut-être ou pas? Peut-être, ouais. Est-ce que vous voulez faire ce jam? Effectivement, il reste 4 secondes au compteur. Donc je ne sais pas. Ça va se faire, j'ai l'impression, oui. Ah ouais, ça se fait. C'est reparti pour un dernier jam avant, avant l'invite. Ah ben non. Ah non. En fait, on le fait pas. C'est voilà. Bon, c'est déjà ça, c'est fini. Je n'avais pas lancé la musique trop fort. Ouais. Trop tôt, pardon. Donc on finit. 102 pour les Valiant et 85 pour les Harpy Breakers pour cette première mi-temps. Avec donc un petit écart de 17 points. Et on espère que... 17 points, une belle surprise de la part des Van Beaches après la surprise du match précédent qui ouais. était vraiment, vraiment très, très très très très bon match à voir. Est-ce que les Van Beaches vont créer la surprise à leur tour? Ça serait un peu inattendu, pas tant en vrai, parce que je sais qu'ils ont la capacité. Mais Pibrac est une très très bonne équipe en face. Je rappelle que Pibrac descend de 1-1, hein. C'est pas n'importe qui. Ah ben non. Donc voilà, les Valiant Beaches qui ont parfois quelques petits problèmes à la mi-temps, qui ont un peu tendance à se reposer sur leur laurier une fois qu'elles sont devant après la mi-temps. On va voir ce que ça donne. En attendant, 112 à 85 pour les Valiant Beaches, 17 points d'écart. Seb, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Comment ça fout la patate cette chanson? Grave! C'est évidemment Maniac que vous connaissez tous et toutes, mais là c'est la version de Carpenter Brut qui est encore un peu plus bagarre et nous on aime bien la bagarre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est tout le week-end, et oui tout le week-end, à ce championnat de roller derby. C'est la troisième et dernière étape de la saison, opposant 8 équipes différentes. C'est la National 2, zone 4 pour être tout à fait précis. Et là, on est en train d'attendre la deuxième mi-temps du match qui oppose les Valiant Beaches d'Anglette, donc qui sont à domicile aux Harpy Breakers de Pibrac. Pour l'instant, les Valiant Beaches sont devant avec 102 points contre 85. On rappelle que Pibrac est quand même à son deuxième match de la journée, donc il y a la fatigue qui va pas tarder à se ressentir. Cela dit, les Harpy Breakers sont généralement mieux classés que les Valiant. Les Valiant sont devant. J'ai un peu peur de cette mi-temps, Seb. Ouais, moi aussi. Ouais, on connaît les Valiant qui, souvent, à un moment de creux au second mi-temps, se font rattraper, dépasser, bref. Ouais. Pas bien. Et c'est pour ça que j'appréhende aussi cette seconde mi-temps. Mais j'espère que, depuis le temps, elles ont appris cette leçon et que... Ouais. Espérons. Elles vont nous proposer quelque chose de mieux. Espérons. En tout cas, pour l'instant, elles ont 23 points d'écart. Pas du tout. Pas du tout, 17 points d'écart. 17 points d'avance. Les Valiant. Pibrac, je pense que Pibrac s'est aussi un petit peu recentré sur l'équipe et a revu sa stratégie. Pibrac est une équipe très très très solide, ouais. et qui a une tendance à être constante, ce qui n'est pas forcément toujours le cas des Valiant. Et c'est parti. C'est parti, c'est Assinator pour Pibrac qui prend le tout premier lead de cette deuxième période face à Bloody Roustek qui se fait recycler. Assinator qui arrive sur le pack. Elle est arrivée très vite et très bas. Elle est arrivée très vite et très bas, effectivement. Ouais. C'est histoire de chuter moins facilement. Ouais. Elle passe, elle met ses quatre premiers points. Bloody Roustek est derrière, mais elle a un point, ouais, un tour de retard. Ouais. Et non, voilà, effectivement, elle colle, il y a un call de la part de la jammeuse d'Harpy Breakers. 4-0 sur ce premier jam. 30 minutes, hein, je rappelle, par mi-temps, découpé en petit jam de 2 minutes maximum. Et 102 et 89. Les Valiant Beaches toujours devant de 13 petits points. 13 petits points, hein, c'est vraiment, quand je dis petit point, c'est vraiment petit point. Hein. Ouais, petit point. Ça peut très très très vite basculer. Il reste une demi-heure de jeu. Ah, le retour de Sacha Furious sur le track pour les Valiant Furious face à Lucifer. C'est Lucifer qui se faxe entre les joueuses et le bord du track. C'est clair, quoi. Vraiment, elle se glisse entre les deux. D'autre côté, Sacha Furious, ça y est, je pense que Pibrac a trouvé. Lucifer, elle a trouvé un créneau, elle est passée incroyable. Oula. Il n'y a pas une faute de Frida Kahlo, elle n'a pas mis un peu trop les mains là. Non, non, bah, je suis terminé en même temps, donc je pense que... Ça a l'air de passer. Ouais. En attendant, sa chaîne Furious, je crois qu'elle n'est toujours pas passée. Lucifer a mis 4 points, elle est en train de tenter les 8 points. Et sa chaîne Furious n'est pas passée, hein, 8 points. 8 points, et sa chaîne Furious, ouais, est toujours pas passée. Voilà, elle se fait recycler. Lucifer qui est à 8 points, qui part sur les 12 points. Et là, les 12 points, ça va être décisif. Ça y est, ouais, Sacha qui est passé. Sort en fin du pack, qui va faire un premier tour. Elle a fait un faux star pass et Lucifer qui se fait recycler par Duchesse. Aïe, Duchesse qui est mal tombée. Non, ça va, le sourire, ça a l'air d'aller. J'ai eu peur qu'elle se fute, faite mal au dos, mais non, ça a l'air d'aller. Et regarde-moi tableau de score, Seb. Aïe, 101 à 102, un point d'écart. 101 à 102, un point d'écart, c'est les Valiant Bitches qui sont devant d'un petit point. Premier jam, point. 12 points. Ouais. Deuxième jam, je crois. Deuxième jam. Deux jams, paf, 17 points d'écart rattrapé. Ouais, vous voyez qu'à quel point ça peut aller vite. Moonjet du côté des Derpy Brackers, Elasticam du côté des Valiant Bitches. Moonjet à l'avantage, elle a plus que Nadmax à passer. Et elle s'est fait recycler. Voilà. Pendant ce temps, de l'autre côté, Elasticam, ça chute. Elle est pas loin non plus, elle est pas loin. De passer, non, elle est pas loin. Et ça passe, pour Elasticam qui prend le lead. Est-ce qu'on rappelle que prendre le lead, c'est peut-être la chose la plus importante du jeu, puisque c'est la jammeuse qui a le lead, qui passe donc en premier, qui peut arrêter le jam à n'importe quel moment. C'est ça. Et donc, et elle passe 4 points. Avec un joli saut. C'est toujours pas passé pour. C'est un star pass pour les joueuses du Pibrac qui vient de passer. 4 points, elle va tenter, je pense, les 8 points avant de coller. Je pense qu'elle va rentrer dans le tas et coller immédiatement. Les bloqueuses des Valiant dégagent le passage. Mais Elasticam colle. Oui. Ouais. Elle colle. Est-ce que je pense qu'elle aura un point ou deux. 2 points et 1 point pour la pre-braqueuse. 6 à 1. Donc sur ce jam, 18 à 100. Oula. 108 à 102. Ouais. Il y a un 0 au milieu. 0 ça compte pas. Donc 18 à 12. Ouais, c'est pareil. Ah, il y a 6 points d'écart, c'est pas tassé. En parlant de tassé, est-ce que c'est pas Tassinator? En vrai, j'en sais rien, c'est juste pour le jeu de mots. Si, c'est Tassinator, yes! Contre double pot. Tassinator passe. Tassinator qui passe, sous de très bons joueurs, double pot et qu'il a double. Est-ce que double pot a tenté de la. Non, c'est Tassinator qui essaye de la bousculer. Allez, elle est repassée à l'intérieur. Allez, double pot un peu de. Tassinator, mais seulement, ça a le sourire, hein, j'adore. Tassinator, ça l'a fait. Ça a le sourire, j'adore. Oh, c'est joli. C'était double pot qui avait le lead. Non, c'était ça, le Tassinator qui avait le lead. Tassinator, parce que double pot a doublé à l'extérieur, à l'envers. Ouais, il me semble qu'il est sorti quand même double pot à la fin, mais bon, de toute façon. Ouais, mais ça avait collé. Ça avait collé en face, de toute façon. Donc, deux partout. C'était serré là. L'écart reste le même. 110 à 104, il reste 25 minutes de jeu. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Le retour de Lucifer face à Session face Furious. À Session Furious. Ouais, voilà. C'est parti. Session Furious qui est un peu moins Furious, hein, qui a, ouais. qui a tendance à un peu plus et s'arrêter. Lucifer est passé. Ouh, Nadmax. Ah non, mais ça n'a pas suffi. C'est dommage, Nadmax. Coup d'épaule, coup de fesse, mais. Lucifer solide sur ses appuis. Ouais, Nadmax c'est qui a failli, mais allez, non, Sacha, ça y est, c'est passé pour Sacha. Parce qu'il y avait un faux star pass pour Sacha. Alors que Lucifer va. Ouais, on peut pas aller plus loin. Passe Lucifer. Et très rapide, Lucifer, ouais, ça le problème. Et elle colle, elle prend 4 points. Elle prend 4 points et elle colle un joli boom track. Ouais. Voilà, le boom track, on prend le lead, on met 4 points et on colle quasi immédiatement. Sacha a beaucoup plus de difficultés, Sacha Infurious, à passer la. Ouais, mais je pense qu'elle a moins d'énergie que l'adrénaline que lui procurait déjà le début du match. Je pense qu'elle a la fatigue. Et en face, je pense qu'elles ont vu ce que Sacha, la façon de jouer Sacha et qu'elle s'adapte en fonction. Ouais, elles ont vite corrigé le tir pour mieux défendre face à elle. Effectivement, oui. 110 pour les Valiant Bitches, les Harpy Brackers sont à 108. Attends, il y a eu qu'un point de plus pour les Harpy Brackers? Oui, le jam là qu'on vient de faire. Il me semblait qu'il y avait une égalité ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Bloody Roostek. Il a deux doigts de prendre le lead, mais non, ça va. Est-ce que ça va être. Oh là là, elle se fait recycler. Moonjet derrière qui elle n'arrive pas à passer. Ouh, elle se fait recycler loin. Elle tente. Qu'est-ce que fait il me semblait que qu'elle allait tenter le. Fouah, Boudiroustek qui rentre dans le tas. Hein. Ouais, ouais, elle y va. Ah, ouais, ouais, là, elle se. Ah, là, elle se fait recycler. Ouais. Elle se fait recycler. Moonjet, attention. Et elles sont et pas prêtes. Les Valiant étaient occupés à essayer de. Moonjet prend le lead. Ça y est, c'est fait. Et c'est Moonjet qui prend le lead. Ouais. Boudiroustek, cela dit, est pas loin derrière. Donc, ouais. elle regarde son coach. Qu'est-ce qu'a dit le coach? Je pense qu'il a dit quelque chose comme tu rentres dans le tas et tu colles. Les Van Beaches ont tenté une petite échappée. Combien 2 à 1, je dirais. Ouais, un partout, moi, j'irais. Ah non, mais non, 0 pour les Valiant. 3 pour. 3 pour les Valiant. Hein? Non. Ah non, 3 pour les Valiant, tu n'es pas. Ouais, 3 pour les Valiant, 0 pour les. Pour la Firakeuse, bah, écoute. Ok. 113 Étonnant. À 105. Ouais, je pensais que ça aurait été oui, plutôt un partout, mais deux partout, mieux. Quelque chose comme ça plutôt. 113 à 108 et Valiant toujours d'une petite pichenette devant. Ouais, ouais, 5 points quoi. C'est ça, 5 petits points. 5 points, c'est peu. Ça suffit pour gagner, mais est-ce que ça suffit pour tenir 22 minutes face au monstre Kepivrak? Voilà. Et là, c'est Tassinator. Tassinator qui bataille contre Nadmax. Nadmax qui a été laissé passer parce qu'elle commence à être trop loin. Obligé, ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, quand c'est dans une trou du pack, elle est obligée de ne plus jouer, de laisser passer l'adversaire. C'est ça qui vient de se passer. En face, Elastican tente un Star Pass pour Vicious Nenette. Non, c'est un faux Star Pass. Alors, ça fait bloquer. Et Tassinator est passé, prend 4 points. A toujours pas le Star Pass. C'est essayé, Ils essayent, mais ça ne passe pas. Non, si, ça y est. C'est enfin passé, mais après. Il faut qu'elle passe aussi après. Mais il faut qu'elle passe T-Time maintenant. Ouais, T-Time n'est pas facile à passer. Non. Il y a quasiment une tête de différence de gabarit. De hauteur. Vicious Nenette qui a rendu, je crois, le. Aïe, il y a une faute. Faute d'Elasticam qui va en prison. Voilà, donc c'est un power jump pour les Harpies Braqueuses. Exactement. Qui ont déjà 8 points. Il y a Tassinator qui colle. Pourquoi est-ce qu'elle colle alors qu'elle a un power jump? Et bien pour avoir cet avantage-là. Voilà. À la suite, parce qu'évidemment, c'est les joueuses qui sont en prison restent en prison. Le début de jam d'après, en tout cas. Voilà. Donc 8 points pour l'Harpie Braqueuse qui passe devant. Ça y est, 116 à 113. Les Harpie Braqueuses sont devant en 3 petits points. Il reste 21 minutes sur ce dernier match de la journée. Aïe, est-ce que les Valiant vont finir par se faire croquer? Par se faire croquer, si tu veux. Ouais. Power Jam, qu'est-ce qu'ils ont mis? Lucifer qui est un Power Jam. Ça défend bien, cela dit, du côté de. Elle se fait recycler. On a Nadmax qui recycle. Ouais. Et ça finit par passer. Ouais, il est très très efficace, Lucifer. C'est incroyable. Je suis étonné parce que Lucifer est sorti et pourtant il n'est pas revenu derrière Gasoline. Écoute, je suis étonné. Ouh, elle vient Lucifer se faire qui a tenté c'est de mettre 4 premiers points. Il y arrive. Retour d'Elasticam sur le track. Oula. 4 points pour Lucifer. Elasticam qui est un peu fatigué. Qui tient un peu moins bien sur ses patterns. Ouais, 4 à 0 pour l'instant sur ce jam, 113 pour les Van Beaches, 120 sur le score général pour Pibrak qui mène donc de 7 points. Lucifer qui s'est passé, c'est Elasticam qui met ses 4 premiers points. Cela dit, Lucifer va pas tarder à mettre les 4 autres. Elle se fait recycler, elle a mis le pied dehors là. Elle a clairement mis le pied dehors et elle s'est recyclée. Je comprends pas bien ce qui se passe, j'avoue. Elle a clairement mis le pied dehors et pas de. On a une bloqueuse des Valiant qui s'est fait sortir en prison. Ouais. Voilà. Elasticam qui essaye de passer. Toujours 0 point pour Elasticam, 8 pour Lucifer. Et Lucifer qui continue. Ouais, qui est fatigué. Elle a rôti, qui regarde son moment en mode. Mais qui est fatigué. Aïe. Nadmax qui va en prison rejoindre sa coéquipière. Ouais, alors là, faut. On est à 8 à 4. Ouais. 8 à 4. Les deux jammers sont en coude à coude. Elles sont qu'est-ce que c'est la stratégie de Pibrak? Je comprends pas bien. Elle veut tenter quelque chose De mettre un max de points, parce que c'est ce qu'elle fait. Elle est passée comme un rien. Là. Ouais, elle est passée comme un rien. Donc, alors que Elasticam galère à passer. Hop. Oh là là là, elle est forte, Lucifer. Et elle repasse. Ouais, là, elle est sortie. Elle est sortie. Et fin du temps. Fin de temps réglementaire, effectivement, 2 minutes. Ça fait 20 à 4. Hein. Lucifer, elle a bien rôti. 2 minutes de jam, effectivement, c'est long. 86. 86, 16 à 6. Non, ça devrait se faire 20 à 6. Ah, 20, ah, ça devrait faire 20 à 6. Combien on est, combien on est 20 à, ouais, 20 à 9 même, d'après ce que je vois des arbitres, mais... 16 à 6 apparemment. Ouais, je suis très étonné parce qu'elle a refait un dernier passage, donc... Ah non, on les a pas tous passés. L'Air Pirakeuz, ben c'est à leur tour finalement de commencer à prendre la distance. Ouais. 13 points d'avance sur les Valiant Beaches. C'est pas grand chose, 13 points, mais ça se joue à dynamique, hein, voilà. C'est ça. Si jamais, il y a un temps mort qui est demandé par les Valiant, par la coach des Valiant. Voilà, pour peut-être essayer de retrouver cette force qu'elles avaient en début de match. Voir si Pirak aussi peut-être qui a augmenté leur niveau de jeu. Ils ont peut-être resserré la vis, ouais, effectivement. Ouais. Pour cette deuxième mi-temps, parce que... Bah, c'était mené de quoi, une quinzaine de points, 17 points, je crois. Ouais, 17, ouais. Ce qui n'est pas énorme non plus, hein, mais... Ce qui n'est pas énorme, voilà. Mais voilà, après, c'est souvent une question de dynamique dans le roller derby, et là, en ce moment, bah, c'est plutôt les RP Rackers qui ont l'avantage face aux Valiant Beaches. Il reste 18 minutes 54. Pibrac à 132 points, Anglet en a 119. 13 points d'écart, c'est pas énorme, mais ça peut être le début d'un énorme écart. Ou peut-être que les Valiant vont revenir se réveiller, rejouer un peu comme au début du match, où elles ont vraiment été très, très douées. Mais elles ont battu toutes leurs cartes très vite, elles ont très bien joué, ouais. Mais en face, elles ont vu la stratégie des Valiant. Alors ça démarre elles avec ont répondu. Une bloqueuse en moins pour les Valiant sur le track, qui est en prison. Et qui revient là. Qui revient, effectivement. Et c'est parti. Et ça passe pour Tassinator assez facilement, je trouve. Hein. Tassinator qui prend donc le lead face à double pot du côté Valiant qui galère un peu dans la défense là. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on croit qu'elle est passée, il y a toujours une joueuse de Pibrac qui apparaît. Et oh, Tassinator recyclé proprement, enfin recyclé, voilà, bouchonné, parce qu'elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Elle s'est retrouvée, oh là, elle s'est retrouvée par terre, double pot pareil. Tassinator qui a le lead, les deux sont en train de batailler pour avoir voilà, le premier point. Tassinator met les 4 premiers points, Tassinator c'est fait. 4 points, double pot pas encore. Pendant ce temps, Tassinator fait tranquillement le tour du track pour engager les joueuses adverses et gagner 4 points de plus. Double pot ne passe pas. Hein. Double pot ne passe non, absolument non, pas. Non. Grosse défense là de Pibrac, elle ne passe absolument pas. Ça fait un petit moment que la défense de Pibrac a réussi son niveau, est bonne et embête énormément les jumpers de Valiant qui ont beaucoup de mal à passer. Alors que leur jumpers justement passe facilement pour les RP braqueuses. Ça y est, elle colle. Ouais. Donc peut-être un 7-0. Là, on est à 4-0 pour l'instant. 7-4. Ah, 4. Je vois 3 points de côté. 7-4. Ouais. 7-4, effectivement. 139 à 123. L'écart se creuse doucement, mais sûrement. Voilà, il y a un petit manque de prise de lead aussi. Ouais. De la part des jameuses de Valiant. Mm. Ça fait un moment qu'elles ont pas, qu'elles sont pas passées en premier. Personne en prison. Sacha Furious face à Moonjet. Allez, c'est parti. Allez, Sacha Furious qui prend. On parlait du lead et Sacha qui le prend. Voilà. Ouais. Allez, Sacha, tu nous mets un 16 points là. Minimum. Et Sacha recyclage de la. Qui sait ce qu'elle a à faire. Recyclage de la jameuse de. Elle passe. Ah, elle a failli. Et qui cherche à faire un star pass. Elle chute. Elle chute, Sacha. Elle passe. Ouais. Elle pousse. Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il y a une belle défense du côté de Pibrac. Ça passe. 4 voilà. points. 4 points pour Sacha Furious. De l'autre côté, Moonjet n'est toujours pas passé, je crois. Hein. Non, toujours pas, non. Elle s'est fait recycler, après elle a enlevé son bonnet, elle tente un star pass. Ça y est, elle le fait, le star pass à l'instant. Est-ce qu'il vient de se faire recycler ouais, j'arrive pas à voir. Pas de pitié, voilà. Et ça passe pour Sacha. Sacha qui est à 8 points, toujours 0 pour Pibrac qui essaye de faire son passage initial. Voilà. Ça revient pour Sacha dans le bloc. Sacha qui... Oh, joli. Il a eu la chance de voir son adversaire tomber avant. Ouais. Juste avant. Donc 12 points pour Sacha. 12 points, Sacha qui essaye de rattraper c'est ses points. Toujours pas passé 135 pour Pibrac. Hein. Et Sacha qui passe encore. 16 qui points. Passe voilà. encore et on est à égalité. On est à égalité, Seb. Voilà. 139 partout. Voilà, c'est ça. Sacha, allez, c'est ce Sacha. Qu'elle a fait. Elle sourit, elle adore. Banane, elle adore. Elle kiffe, là. C'est le meilleur moment de sa semaine, de son mois. C'est ça. Allez Sacha, tu nous mets 20 points. Allez, c'est parti, voilà. D'autre côté, les Harpy Brokers, voilà. On fait un passage initial. Ça y est, elles l'ont fait, mais Marie Chupita lui crie de coller, elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Colle. Ah, elle lui dit plus. Non, tu fais. Elle a vu trop tard. Elle aurait dû coller avant que son adversaire arrive. Attends, Elle continue. Est passée. Très très bien. Et elle colle. Malichupita. Aïe, dommage. Malichupita lui disait de continuer. Bon, écoute, c'est très bien. 24 points, c'est 24 le record points, de ce week-end. Ouais. Très joli de la part de Sachin Furious et de son équipe. Devin Beaches, 24 points. 24 à 3. C'est le plus gros score du week-end. Ouais, pour l'instant, joli. Très joli. Comme quoi on disait que sur un jam ça peut cartonner. Très joli jam. 24 points, c'est la seule fois qu'on le voit ce week-end. Voilà, donc elles ont recollé au score et elles sont passées devant de 5 points. Et même sur tout le championnat, ça reste très rare, 24 points. Allez, c'est reparti. Lucifer face à Bloody Roustek. Lucifer qui va vouloir prendre sa revanche très certainement sur Sachin Furious. Ouais. Et au moins égaler. Et ça passe. Ça se passe pour Lucifer. On est à 15 minutes de la fin du match. Et ça passe pour Bloody Roustek aussi, qui a un travail de retard. Ouais. Et allez, les Vaillantes, là, elles s'organisent bien pour la défense. Il faut absolument. Oh là là, elle est passée, une facilité. Non. Aïe. Elles étaient bien pourtant, et je sais pas ce qui s'est passé, mais elle est passée entre les mailles du filet. Alors, elle râle parce que je pense qu'elle considère qu'il y avait une faute, Lucifer. Peut-être. Mais elle a une technique, je viens de voir. En fait, donc, les bloqueuses sont en tripode, elles s'attrapent par les bras pour former un tripode. Ouais. Et en fait, Lucifer arrive à grande vitesse et un peu avant d'arriver en contact avec le tripode, elle vise les bras, les jonctions des bras, et elle saute un peu pour avoir ses bras au niveau des hanches et elle casse les jonctions avec ses hanches. Ouh, elle vient de chuter là. Ça passe pour Lucifer qui est pas loin de la blessure, on l'a vu pendant la mi-temps, ça va mettre du froid. Encore. Elle a mal, ça se voit qu'elle a mal. On voit qu'elle a mal, mais elle continue. Et elle colle. Allez, elle arrête. Elle est énervée, je pense qu'elle a mal. Ouais. Je pense qu'elle a mal, mais qu'elle veut rien abandonner. Et puis je pense qu'elle n'est pas d'accord, elle continue coach non plus. Parce extrêmement qu'elle avait... frustrant pour elle. On l'a vu se remettre du froid pendant la mi-temps sur la jambe. Attention, si elle se blesse, Lucifer, ça peut faire très très mal. 153 pour l'Harpy Brokers qui sont devant. Les Valiant Beaches sont à 150 points. Il reste 13 minutes et 26 secondes. Le coach peut-être qui va réclamer la faute que Lucifer avait vue. On va voir. Ouais. On va voir. Personne en prison. Ça fait un petit moment qu'il y a personne en prison, j'ai l'impression. Ouais, il y a personne en prison, ça c'est beau ça. C'est bien. Ça c'est bien. Voilà, doucement. L'air plus vrai que sur devant 13 minutes 26. Est-ce que les Valiants vont réussir ce bel exploit de battre l'Harpy Brokers, ou est-ce que les Harpy Brokers vont finalement réussir à s'extraire du piège des Valiantes? Je sais pas. Est-ce que tu crois que ça va être comme ça, un grand coup de 5, 10 points, et on reprend, et on repasse devant, et on reprend, on repasse devant? Honnêtement, j'en sais rien. Ça a beaucoup ce jeu au mental. Ouais. Là, les deux équipes ont très, très, très envie de gagner. Il faut surtout ne pas faire de grosses bêtises, parce qu'on l'a vu, on fait une bêtise face à Sacha et son équipe et on prend 24 points dans la gueule. Ouais, voilà. Ah, mais ça peut être pareil en face, quoi. Je veux dire, on fait une bêtise, on laisse passer Lucifer, on prend même points dans la gueule. Et les deux sont capables de faire des erreurs, on les a vues. Grosse différence. On a vu les deux équipes faire des erreurs sur les matchs précédents dans ce championnat. Donc je pense que ça va se jouer à ça. À qui garde la tête froide, à qui a la meilleure stratégie pour empêcher l'autre de passer. Et le meilleur mental. Ouais, je pense que ça va beaucoup se jouer à ça. Ouais, au mental. Parce que physiquement, les deux sont capables de gagner. Physiquement, en termes de technique, etc., les deux sont carrément capables de gagner. Je sais pas, ça y est, les arbitres ont arrêté de discuter. La décision est rendue. Malheureusement, on ne pourra pas vous dire ce qu'est cette décision parce que on n'a pas de micro là-bas non plus. On est comme vous, on n'entend pas. On n'entend pas. 150 pour les Valiant Beaches qui sont juste derrière l'Harpy Brokers à 153 points. Il reste 13 minutes et 26 secondes. C'est reparti, je crois. J'ai entendu le sifflet en tout cas. C'est en place tout pour le se positionne. Allez, c'est Tastinator parti. Et Elasticam. Allez, on va voir qui c'est qui va réussir à passer en premier. On rappelle que c'est le fait de passer en premier qui donne un énorme avantage à chaque équipe. On appelle ça prendre le lead. Oh, il y a eu recyclage là, non? Ouais. Non, apparemment la coach dit que ça passe. Tassinator face à Nadmax. Tassinator qui sourit parce qu'elle elle sait que Nadmax c'est costaud. Elle sait qu'elle va l'emmerder, elle voit le jeu arriver. Ouais. Et ça passe pour Tassinator qui prend le lead, ouais, et ça passe Elasticam, pour Elasticam qui est derrière, très peu, ouais. Qui est pas très très loin derrière. Hein. On a une pivot blanche de Valen Beaches qui est en prison. Tassinator qui aurait pu passer par l'intérieur, je pense. Elasticam qui s'est fait recycler, ouais, qui fait un joli roulé-boulé en arrière. Et Tassinator qui part en prison. Et Tassinator qui part en prison. Qui part en prison, c'est effectivement. Donc c'est un power jam pour. On a un power jam pour. Les Valiant. Pour les Valiant avec Elasticam qui va essayer de passer et qui est toujours pas passé. Hein. Mais est-ce que ses collègues ont compris ça? Parce que je vois que les pas là, ça y est. Oui, elles ont compris. J'ai vu Gasoline crier aux autres qu'effectivement c'était. D'accord. C'était un power jam. Elle a vu la joueuse de Pubrac aller en prison. Elasticam qui souffle, qui a l'air fatigué. Ouais, mais qui prend 4 points, voilà, les 4 premiers points. Recycler, retourne arrière. Voilà, c'est ses coéquipières qui ont bloqué une des bloqueuses adverses pour l'aider. Certainement la bloqueuse la plus dangereuse, j'imagine. J'adore son casque en melon, d'accord. 8 points pour les Vine Beaches. Tassinator pour les Arfuracos n'a pas mis encore ses points. Je crois qu'elle a fait son passage initial, cela dit. Mais j'en suis pas sûr, j'en suis pas certain. Oui, c'est ça, voilà. 4 points de plus pour l'air plus braqueuse. Oui, elle avait pris le lead, donc elle avait déjà fait son passage initial, hein, Tassinator. Mais elle s'est fait sortir par faute. Il y a Elasticam qui est épuisé. Qui est rôti. Épuisé, qui met du temps à revenir en arrière. Hein. Et du temps. Ça va lui coûter des points. Hein. Ça va lui coûter des points de mettre autant de temps à revenir. Et 2 points d'un côté, 3 points de l'autre. En tout, 11 points pour les Van Beaches. Beaches 6. Pour les Harpy Braqueuses, les Vine Beaches qui repassent devant grâce à ça à 161 points et 159 pour l'Harpy Braqueuse. Oh là, 2 points d'écart, qu'est-ce c'est rien. Qui va se passer, je ne sais pas. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Un tiers de cette mi-temps. Ah, ils ont changé les duos là. C'est Sasha Infurious, elle est plus face à Lucifer, mais à Moonjet et Sasha passe. Sasha passe. Voilà. Elle sait ce qu'elle a à faire. Encore une fois, là, c'est le moment de mettre des points. Moonjet, on le disait tout à l'heure, c'est peut-être la moins expérimentée des jameuses de Pibrac. Donc, ça passe. Elle chute, mais ça passe. Les adversaires n'ont pas le temps de revenir. Il y a eu un star pass entre Moonjet et T-Time. Exactement, pour donc on est 4 points d'avance. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle colle? Parce qu'elle se colle. Marichou Pita qui s'énerve parce que Sasha Furious ne l'écoute pas. Elle est passée, elle a collé. Elle ne regarde pas, Sasha Furious ne regarde pas Marichou Pita. Et n'écoute pas ses consignes. Voilà. Ah. une petite mise au point. Il faut que tu fasses ça. Ouais. Ça fait 4-1. 4-1, 165 points pour les Vine Beaches. Arthur Bracos sont à 160. 10 minutes 05 pour être exact avant la fin de ce match. C'est tendu, on sent qu'aussi c'est ici dans les gradins, ça commence à se tendre. On est à domicile pour les Valiant Beaches, les supporters et supportrices sont là. C'est tendu, Natacha. C'est tendu, c'est carrément tendu. Je te dis que c'est tendu. Elles ont les moyens de gagner, Valiant, elles ont les moyens de gagner. Mais les deux équipes ont les moyens de gagner. Franchement, Mais ça serait plus une surprise pour les Valiant. C'est ça le truc. Mais elles ont les moyens, les Valiant, largement. Les Valiant ont les moyens de gagner. Et on va voir si ça passe pour Lucifer qui passe. Bloody Roustek qui est derrière, qui est dans le pack, qui est en train de batailler. Il est aidé par ses coéquipières. Attention, les coéquipières à pas être trop concentrés sur Bloody Roustek parce que Lucifer arrive derrière rapidement. Lucifer se fait recycler, se fait sortir. Oh, Lucifer, elle y va fort aussi. Hein. Ouais. Elle a un petit gabarit, mais elle a tellement de bons appuis que finalement elle est aussi dangereuse que. Et elle passe, elle prend les 4 premiers points. Bloody Roustek toujours pas passé. Hein, que bon gabarit. Et une bloqueuse des Valiant se fait sortir en prison. 4-0 pour les Harpy Rakers sur ce jam. Et Bloody Roustek qui est fatigué. Qui est fatigué. Lucifer, par contre, elle passe, elle met 8 les points. Elle est frustrée. Aïe, Bloody Roustek qui va en prison, elle est sur un power jam. Pour l'air plus braqueuse. Ouais, et elle colle. Elle avait pas vu le power jam, je pense. Ah, tu crois qu'elle a pas vu? Ou alors peut-être que c'est fait exprès pour pouvoir commencer, peut-être. Oui, peut-être pour commencer. Un power jam, parce que évidemment, plus elle met. Si en plus elles arrivent à sortir vite, elle reste 30 secondes derrière pour faire plus un tour. Donc si elle sort, qu'elle prend le lead, qu'elle met 4 points avant que son adversaire sorte de prison, ouais. Là elles ont un avantage énorme et c'est peut-être un bon départ pour creuser l'écart avec les Valiant. Tout à fait, tout à fait. 8 minutes 40. Allez, c'est parti. C'est reparti au Nampo. Déjà, Tassinator qui passe très vite. On va voir si. Ah oui, il y a deux Valiant dehors en plus. Ouais, il y a deux Valiant dehors en plus. Donc gros avantage pour Pubrac. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Valiant Bitches vont réussir à l'arrêter suffisamment longtemps pour que la jammeuse des Valiant puisse rentrer? Vicious Nenette. Frida Alcolo. Flying Fox. Ça passe, ça finit par passer. 4 points. 4 points et effectivement Boudi Roustek rentre sur le track. Elle a 2 tours de retard. Hein. 2 tours de retard, donc ça va être tendu. Ça y est, elle passe assez vite quand même. Heureusement pour les Valiant, elle passe assez vite. Il y a quand même 8 points. Ça fait 8, 8 à 0, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. On n'est pas sur un match à gros score, à part une exception notable de Chase and Furious qui a marqué 24 points, le record du week-end. 176 points pour les Harpy Wreckers. On en parlait de retour sur le track. Les Valiant Beaches sont à 165, 11 points d'écart. Il reste 7 minutes 33. Ah là là, ça commence à monter. Ça y est. C'est tendu. Ça commence à monter. Et tu vois, 11 points d'écart dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Dans les gradins, ça commence à s'échauffer aussi. Je sens que ça passe pour Lucifer. Sa chaîne Furious commence à s'énerver. J'ai l'impression qu'elle est plus agressive, plus impactante que tout à l'heure. Et ça passe, mais avec un tour de retard quasiment. Ouais. Lucifer est dangereux, attention. Oh là là, très belle esquive. Oh là, elle joue bien, Pubrac. Une esquive, ça très bien. En fait, c'est les copines de les copines. Les coéquipières de Lucifer savent très bien ce qu'elle va faire. Ouais, elles la connaissent bien. Et du coup, elles savent où se placer pour empêcher les bloqueuses adverses d'aller au bon endroit. Mais ça, c'est l'expérience, à force de jouer ensemble et tout ça, les automatismes. Parce que voilà, Lucifer arrive, elle fait une feinte, ses coéquipières savent déjà qu'elle va faire la feinte. Ouais. Celles d'en face, elles ne le savent pas. Et c'est comme ça qu'elles arrivent à bien se placer pour bloquer au moment où les Valiant vont essayer de repartir après la feinte. Et bien, elles sont bloquées. 180, 160, 165, 15 points d'avance pour les Harpy Wreckers, 6 minutes 26. Oh là là, T-Time qui défonce Nadmax pour laisser passer sa jammeuse. Malheureusement, il se fait recycler. Nadmax qui se relève et qui continue à bloquer. Et c'est double pot pour les Valiant Beaches. Qui prend le lead. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de lead, j'ai l'impression. Faudrait qu'elle nous fasse un jump à 16 points là. 16-0, ça serait beau. Ah, ça serait beau. Ça serait difficile, hein, on va pas se mentir. Alors, qui c'est Je crois que T-Time a récupéré Star Pass. L'étoile. Voilà. Double pot, du mal à passer. Il y a une très belle défense depuis Pubrac. Ouais, recyclage de T-Time, ça passe pour double pot. 4 points pour double pot. Toujours pas de passage initial pour Et une bloqueuse Pubrac. Des Pubrac qui part en prison, il me semble avoir vu. Effectivement. T-Time, ça passe pas. T-Time qui passe. Grosse défense. Elle passe toujours pas. Allez. Double pot qui est tombé. Qui a 4 points d'avance. Ça s'appelle 8 points d'avance. 8 points d'avance pour double pot. Elle réduit petit à petit cet écart, il reste encore quand même pas mal. Ouh, T-Time a l'air fatigué. T-Time qui a le. On rappelle le. C'est le retour de double pot. Voilà. Double pot qui passe, T-Time. Qui peut prendre 4 points de plus et passer à 12 points. Oh, qui passe. Oui, elle passe. Elle passe. Elle passe. Ça réduit l'écart. Ça réduit l'écart. Elle a encore un peu. Elles vont arriver. Elles vont arriver devant. Encore un petit tour et les Valiant passent devant. Ouais. 177 en 180. 180 tout court. Ouais. Et elle passe. Voilà. Elle passe très très bien. Ça y est, les Valiant repassent devant à moins de 5 minutes. Ouais, à un point, c'est fou quoi. À un point. Ouais, non, ça passe toujours serré. Pas pour Pubrac. Hein. Double pot pour continuer de. T-Time est épuisé. Ouais. Elle va malheureusement heurter aussi, même les arbitres, tellement la fatigue lui embrouille le cerveau, j'imagine. Ça commence à être très très difficile pour Pubrac. Elle en peut plus. Ouais. Elle le dit, elle en peut plus. Elle est fatiguée. Pot aussi, je pense que sa fatigue, ça commence à être dur. Mais heureusement, elle a ses coéquipières, Gasoline, pour l'aider. Elle passe. Et ça elle passe, passe, allez. Et elle colle. Elle passe à 3 secondes de la fin. Voilà, 20 points. 20 points. Et elle passe devant. 185 pour les Van Beaches, 180. Ouais. 4 minutes 16. Qui c'est qui va gagner, Seb? C'est fou. Qui c'est qui va gagner? Je sais pas. C'est ce que je disais. Est-ce que ça va faire le yo-yo sur le score de passer de l'un à l'autre? Ça va être insupportable jusqu'à la dernière seconde. 4 minutes, allez, il faut tenir 4 minutes. Voilà. 4 minutes à tenir pour les Van Beaches pour réussir ce petit exploit. Ça serait, c'est la folie dans les tribunes. Ça serait extrêmement bon. On va pas vous mentir ici, Van Beaches, c'est les copines, celles qui nous ont initiés au roller derby. Donc on a un petit penchant pour elles. Néanmoins, on essaye de vous retranscrire ce qui se passe de la façon la plus objective possible. 185 pour les Van Beaches, Harpy Rakeuse sont pas loin, Harpy Rakeuse, elles savent qu'elles peuvent gagner, elles le savent. Il y a un temps mort demandé par l'arbitre, le coach de Pibrac. Pibrac, quoi, c'est les dernières minutes, les 4 dernières minutes, c'est le moment de se ressaisir. Là, en 4 minutes, elles peuvent full le dawa et engranger des points, beaucoup de points d'un coup. Faire un braquage, quoi. Il suffit d'un coup de folie, d'un passage, je sais pas, de Lucifer ou quoi, ou même de inverse, de, je sais pas, de James de Devaliant, et paf, ouais, ouais, ouais. Un 16, un 20, un 24. Et ça sera le premier clou sur le cercueil de nos adversaires. Évidemment, quand on reste objectif, on est des professionnels. Est-ce qu'une des deux équipes va réussir à faire un gros écart pour un petit peu déstabiliser vraiment l'adversaire? Si là maintenant il y a un gros écart qui est mis, eh ben, je donne pas cher de la peau de l'équipe adverse. Sacha & Furious qui se prépare pour les Van Beaches face à Tassinator. Attention Tassinator, on a tendance à la sous-estimer parce qu'à côté il y a Lucifer, mais Tassinator elle est extrêmement dangereuse. Oui. Elle fait très très bien le job. Ouais. Personne en prison. 5 contre 5. 185 pour les Van Beaches, 180 pour l'Air Puricose. Il reste 3 minutes 57. On est sur les toutes dernières minutes de ce match. C'est parti, allez. Le dernier match du week-end. Le lead va être extrêmement important. C'est Tassinator qui va le prendre, j'ai l'impression. Qui prend le lead, et Sacha de Pedar, mais non, elle s'est fait recycler. Sacha se fait recycler. Tassinator, ouais. Donc qui prend le lead. Prend le lead. Sacha qui se fait recycler, qui tente un star pass. Qui enlève son étoile en tout cas. Alors, Tassinator, attention, qui revient, qui se fait bousculer par ses propres coups de cœur. Ça passe pour Sacha. Et Tassinator se fait bien contrôler pour l'instant. Ça ne passe pas pour elle. Toujours pas. Ça laisse à Sacha de faire le tour. Voilà, les deux sont remettre autre coup à coude pour essayer de marquer les. Ah, Sacha arrive trop vite et se fait du coup expulser assez facilement. Ouais. Aïe, il part en prison. Sacha qui part en prison. Power jam pour l'air plus braqueuse. C'était pas le moment. Non. C'était pas le moment. Aïe. 185 à 184 et avec les 4 points engrangés sur ce jump par l'air plus braqueuse. C'est compliqué. Oh là là, ouais. Tassinator qui fait de belles esquives. Heureusement, ouais. Derrière, les Valiant Beaches savent se replacer. Ouais, une bloqueuse de Pibrac s'est fait sortir en prison aussi. Ah, c'est belle défense là. Ouais, c'est très belle défense entre Duchesse et la sueur. Ouais, Duchesse se fait sortir en prison. Et ça passe pour Tassinator là, elle est rôtie. Hein. Elle en peut plus. Mais elle a eu c'était un combat. Mais elle a eu 4 points de plus. Elle a eu 8 points, 0 pour les Van Beaches et donc elle fait repasser son équipe devant. De 3 points c'est seulement, rien. Mais c'est rien, mais ouais. Ça suffit pour gagner. C'est ça. Allez, Sacha est revenu, elle passe. Elle met 4 points. Donc elle recolle le score et elle repasse devant de 1 point. Elle repasse devant d'un petit point. Allez, il faut bien la recycler là. Ah, ça passe. De l'autre côté, 4 points de plus pour Tassinator. Et ça passe aussi pour Sacha. Aïe, Tassinator qui va en prison. Sacha aussi derrière. Donc va y avoir une seconde pour chacune. Sacha va plus vite. Hop, elle s'assoit. Et c'est reparti pour. C'est fin du jeu, fin du temps. Du temps réglementaire. Et ça va demander en Power Star alors du coup. Pour une seconde, mais c'est une seconde en prison, mais il y a aussi le temps de repartir sur le terrain, ça va être un point d'écart, les Harpy Braqueuse devant. 2 points d'écart, les Valiant ont 2 points d'avance sur les Harpy Braqueuse, 192 à 190. C'est trop de stress pour moi, et ça c'est. Pibrac démarre sur un power start, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule. Lucifer, et c'est Lucifer. Se et là, elle est en train de se chauffer, elle secoue les mains. Un power start très court, ça sera une seconde. Mais le temps de revenir, ça laisse quelques secondes à Lucifer. Donc là, il faut une grosse défense. Et ça passe pour Lucifer trop facilement. Ouais. 192. Et Sacha passe aussi. Là, il faut une grosse défense. Il faut bloquer l'arrivée. Allez, les Van Beaches qui décident de faire la ligne de l'échappée. Voilà. Sauf que Lucifer, je pense, roule peut-être plus vite que Sacha. Ah oui. Du coup, elle a du mal à rattraper. Ah si, ça y est, elle se fait bloquer un peu. Effectivement. Sacha peut arriver. Sacha passe. Ça y est, Sacha. Ah, elle est pas passée à l'intérieur. Lucifer est passé, 4 points. Il reste 50 secondes au compteur général. Ah là là là là là là. 192-194. L'air plus braqueuse sont devant. De 2 points. Allez, bloquez-moi là, ce Lucifer là. Waouh, bien recyclé. Et elle sort. Allez, Sacha, il faut, recule bien. Faut faire sortir Sacha. Si Sacha sort, ce serait pas mal. Faire passer Sacha là. Non, ça passe pas pour Sacha. Hein. Sacha, ça ne passe pas. Surtout que je crois que Lucifer est passé déjà une première fois. Non, Sacha, se faire cycler. Aïe, aïe, aïe, c'est la fin. C'est la fin. Aïe, aïe, aïe. 190, 192. 198, Sacha 192. Sacha finit par passer, je crois. Et Sacha est par terre, elle est épuisée. Ouais. Aïe, aïe, aïe, c'est dommage. Non, c'est dommage, non. Ça sera trop tard. Je pense que Lucifer va attendre la fin et c'est fini. Et c'est fini. Ah là là. Oh là là, jusqu'au dernier moment. C'est fini, c'est tellement dommage. Perte de 6 petits points, ils ont failli faire. Non, même pas, regarde. 6 points pour l'instant. Ouais, 6 points. Ça change encore. 7 points. Oh là là, c'est dommage sur les dernières secondes. Oh là là, c'est frustrant, je suis frustrant. C'est dommage. Mais c'était un beau match. C'était un très beau match. C'était un très très beau match. On peut remercier les deux équipes là, de nous avoir donné du beau spectacle. C'était super sympa comme match à voir. Ouais. Comme le match précédent. Absolument. Merci beaucoup. On a passé un bon moment là pour les deux derniers matchs de l'après-midi. Ah, score final 202 pour les RP Breakers de Pibrac, 195 pour les Valiant Beaches. Qui ont failli à faire l'exploit. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Mais elles peuvent être fières d'elles parce que perdre de 7 points face à National 1 descendante là, absolument. C'est très très correct. C'était un très très beau match avec le très joli retour de Sacha aussi. Ouais, absolument, c'est vrai. Au jam. Voilà, mais c'était un très bon match. Ouais. Nous on se retrouve Seb demain matin. Ouais. Demain matin, on te retrouve avec Alaya. Alaya. On a entendu sur Réunion de Culture il y a une semaine ou deux qui est arbitre de rugby mais qui va venir ici commenter les matchs de roller derby demain à 10h. C'est ça, rendez-vous demain à 10h. Rendez-vous demain à 10h. Merci à tout le monde de nous suivre. Demain encore 4 matchs et ça sera la fin du championnat. Et nous, voilà, on vous laisse sur ça. Merci beaucoup Seb. Et la bonne soirée. Et à demain. À demain, ciao.